Toutes les histoires que vous allez voir sont vraies. Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. Le très sérieux collège de patapsychologie. C'est quoi ça ? Ah, voilà la grosse question. Un des principes fondamentaux est d'ailleurs celui de l'équivalence des contraires. C'est peut-être ce qui vous explique ce refus que nous manifestons de ce qui est sérieux et de ce qui ne l'est pas, puisque pour nous, c'est exactement la même chose. Mais voyez quelle extravagance ! De toute façon, il y aura des fluctuations spatio-temporelles. Pourriez-vous éclairer nos auditeurs avides de lumière ? Nous vous écoutons dans le plus grand recueillement. Bonjour à tous et bienvenue dans le très sérieux collège de patapsychologie. Je suis Nathan Ulrich, psychologue clinicien et doctorant en psychologie clinique. Et je suis accompagné aujourd'hui de Renaud Évrard, bonjour. Bonjour Nathan. Et de Claude Bermans, bonjour. Bonjour Nathan. Alors, qu'est-ce que c'est le très sérieux collège de patapsychologie ? C'est un podcast qui va tourner autour de la patapsychologie, et ça, vous le découvrirez de vous-même. L'idée, ça va être de se donner des petites infos, des petites news autour de l'actualité du monde de l'étrange, et puis, chaque édition, recevoir un, deux, trois invités pour parler d'un sujet qui leur tient à cœur, d'une actualité qu'ils ont. Ce podcast est porté par l'association Anomalie, qui est une association autour de la médiation scientifique, mais je vais laisser Renaud, président de l'association, en parler. Oui, ben bonjour, merci Nathan. Donc effectivement, l'association Anomalie, elle est toute jeune, elle a un an. Elle est composée de personnes de l'Université de Lorraine, des chercheurs en psychologie principalement, et également de personnes de la société civile. Qui font d'autres choses, mais qui s'intéressent tous aux mêmes choses, c'est-à-dire l'étude scientifique du paranormal, des anomalies, dans une volonté aussi de le rendre accessible à tous, de mieux comprendre les enjeux culturels, sociétaux, personnels qu'il peut y avoir derrière ça. Et du coup, cette asso, elle propose des activités de médiation scientifique et culturelle, des escape games, ce podcast, et également un festival des anomalies dont on reparlera, qui sera à Nancy en mars. Et ben voilà, on est là pour faire un peu découvrir nos champs de recherche, mais de façon agréable. Merci Renaud pour cette présentation de l'association. Alors, peut-être que vous pouvez vous présenter tous les deux, Claude. Ok, donc moi je suis Claude Bercmans, je suis psychologue, chercheur, associé au laboratoire Interpsy de Nancy. Je travaille depuis une trentaine d'années dans, je dirais, le paranormal, la parapsychologie, mais également dans le domaine de la psychothérapie. Je suis psychologue en libéral, docteur en psychologie, et j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages et d'articles sur toute cette thématique-là dans une optique vraiment scientifique. Renaud ? Oui, ben, je suis psychologue également. Je suis au laboratoire Interpsy comme Claude et comme à peu près tous les gens qu'on va inviter globalement, puisqu'on a une sorte de petit pôle d'excellence sur les thématiques de la clinique, des expériences dites paranormales ou exceptionnelles. Et je suis moi-même, du coup, maître de conférence, habilité à diriger des recherches doctorales. Donc Nathan est l'un de mes doctorants. Ça va Nathan, tu vas bien ? Ça va, ça va. Donc t'es en train de faire ta thèse là, c'est bon ? C'est ça, dans un studio de radio, c'est merveilleux. Et puis on va pouvoir inviter justement plein de jeunes chercheurs, c'est vraiment aussi ça qui nous intéresse. Alors Claude n'est plus exactement un jeune chercheur. Oh. Plus trop non, plus trop. Il reste encore un petit peu de temps, mais bon ça va. Mais voilà, donner la parole aux gens qui sont en train de faire de la recherche avec aussi les galères que c'est d'être dans des chemins un peu hors normes, avec certaines résistances, certains obstacles. Voilà, aussi on va avoir des demandes, on va avoir besoin d'aide pour certaines recherches, on va faire des appels à participants. On va vous présenter aussi nos résultats et vous inviter à venir découvrir à la fois nos événements scientifiques et nos jeux, nos occasions en fait d'échanger autour de ces sujets. Super. Eh bien écoutez, je vous propose tout de suite qu'on passe un petit point news pour la rentrée avec ce qui se passe actuellement dans le monde du paranormal. Anomalie Report. Alors, je vais présenter différents événements, justement, pour vous donner des occasions de regarder. Alors, le monde du paranormal va se réduire localement, hein, beaucoup. Mais on a une première journée d'études, en fait c'est sur deux jours, le 11 et le 12 septembre 2025, à Paris, mais également en visio et gratuitement, donc vous pouvez très facilement y accéder. Ce sont des journées d'études sur le thème trans et études de genre. Donc c'est Paris 8 et le laboratoire Interpsy qui organisent très régulièrement des colloques sur des états non ordinaires de conscience, en lien avec un DU, un diplôme universitaire qui se trouve à Paris 8. Et là on va y discuter expérience psychédélique, médiumnité, danse, trans cognitive auto-induite, chamanisme mongol, hypnose, possession, avec des chercheurs qui viennent d'Inde, du Brésil, de France, un peu partout, et tout cela articulé cette année sur la thématique des questions de genre. Et il y aura 14 intervenants, donc si vous êtes à Paris, vous avez le moyen d'y aller, c'est au 253 rue Faubourg-Saint-Martin, ça s'appelle le 253, le lieu, et sinon vous pouvez également le suivre en visio, il y a un lien qui circule sur Internet. Vous intervenez tous les deux dedans ? Non, moi je suis pas, je vais le suivre en visio, okay. Mais j'interviens pas dedans. Okay. Et moi j'interviens effectivement, bon, je suis co-organisateur donc ça peut aider pour me placer dans le programme, mais c'est, je pars d'un truc, c'est que comme je dis que je travaille sur les trans, très souvent les gens me font la remarque, trans mais lesquels en fait, et du coup je vais me placer à la croisée de ça, qu'est-ce qu'il y a en commun entre les états non ordinaires de conscience, la transsexualité, et puis aussi des genres de sexualité qu'on appelle kink, qui sont un petit peu hors normes, non ordinaires, voilà. Et autre manifestation là, plus locale pour les Nancéens, on va avoir plusieurs choses qu'on a programmées et qu'on a organisées toute l'année. Donc le premier s'appelle Nancypnose. C'est un parcours ludique numérique. C'est-à-dire que dans la ville de Nancy, vous allez pouvoir vous promener avec une application gratuite qui s'appelle Baludic et résoudre une enquête autour d'un crime sous hypnose, commis sous hypnose. Et vous allez rencontrer des protagonistes du tournant du XXe siècle qui ont marqué l'histoire de l'hypnose à Nancy, puisque en fait, on est une sorte de grande capitale mondiale de l'hypnose. Alors peut-être que tout le monde l'a oublié, mais c'est une façon de redécouvrir. Donc vous avez un parcours en mode découverte qui dure à peu près une heure et demie et qui a moins d'énigmes, qui est un peu moins lourd au niveau du contenu, et puis un parcours passionné pour les curieux qui aiment l'histoire, les investigations. Il y a davantage de contenu, il y a notamment des acteurs qui ont doublé le texte, et amateurs ou professionnels, ça va être très drôle. Donc le point de départ de tout ça, c'est à l'office du tourisme Place Stanislas. Vous allez avoir un QR code, une application Baludic à télécharger, et vous allez pouvoir vous promener quand vous voulez. C'est en parfaite autonomie, seul, à plusieurs. Le parcours fait 6 km, vous pouvez sauter quelques étapes en forçant un peu les choses, mais vous allez découvrir des lieux clés. Il y a la maison qui servait de clinique au docteur Liebeau, il y a l'ancien hôpital que tout le monde a oublié, il y a aussi des statues, des lieux un peu clés de cette histoire que vous allez pouvoir retrouver. Pour découvrir l'hypnose à Nancy, dans la même idée, le 26 septembre, c'est un vendredi, nous organisons une journée d'études gratuite consacrée à le matin surtout aux aspects historiques et l'après-midi aux aspects contemporains de la pratique clinique mais aussi de la recherche sur l'hypnose à Nancy, voilà, principalement. Donc ça s'appelle l'hypnose à Nancy du guérisseur au psychothérapeute. Ça se déroule dans l'amphithéâtre de la présidence de l'Université de Lorraine, donc c'est cours Léopold, hein, 34 cours Léopold, et en fait c'est encore une fois gratuit, donc vous vous pointez, il y a 140 places, il n'y a pas de réservation à faire. Vous allez avoir des gens comme Bernard Andrieux, Dominique Notaire, Antoine Bioy, Chloé Vuhlmann qui vont pouvoir parler des différents protagonistes, de Freud qui était venu se former à Nancy, de gens qui ont travaillé du côté du droit, du côté de la physiologie, etc. Et vous avez l'après-midi le fondateur de Archhypnose, donc un des plus grand centre de formation sur l'hypnose sur la région parisienne, qui s'appelle Kevin Finel, qui vient présenter l'évolution des formes d'hypnose à travers le temps. Et puis, après ça, il y aura une grosse surprise, je ne peux pas en vous en dire beaucoup, mais c'est intitulé « Voyage dans le temps ». Et après ce voyage dans le temps, vous avez une neuroscientifique belge, Aminata Bissego, qui va présenter « Hypnose quand le cerveau fait comme si ». Et donc, nous allons ensuite proposer aux participants de faire tous ensemble le parcours Nancy-hypnose dans la ville. Ok, voilà, et ensuite, il y a encore d'autres choses plus lointaines, mais... Ça passe des choses à Nancy. Voilà, c'est ça, on bouge pas mal. On va organiser un congrès début décembre, vous pouvez déjà vous bloquer les dates, parce que ça va être assez exceptionnel, c'est le premier congrès international des expériences exceptionnelles de fin de vie, c'est un peu le mot, et ça s'appelle « La mort et ses exceptions ». Et donc, le 4 et 5 décembre, on va se réunir dans le même amphi, hein. D'ailleurs, il y aura peut-être plus d'indications, il y aura peut-être un autre amphi qui va s'ouvrir pour nous, mais... L'idée, c'est de rassembler un certain nombre de chercheurs de premier plan, même au niveau français et international, qui travaillent sur des phénomènes comme la communication avec les défunts, spontanée ou provoquée, le phénomène de lucidité terminale. Donc on a Marine Mutis, qui est une doctorante qui a fait sa thèse, la première thèse au monde sur ce sujet, qui participe, qui est membre de notre équipe du podcast. Et puis d'autres chercheurs comme Chris Rowe, Michael Nam, Christine Favre-Caputo, c'est pas forcément des gens dont on entend souvent parler, mais qui sont quand même des auteurs de pointe dans leur pays, assez connus. Alors, dans les personnes un peu sympas qui viennent, il y a Christophe Fauré et Evelyne Elsasser-Valarino qui vont venir présenter leurs travaux, justement, sur les frontières entre la vie et la mort. Ça, c'est les un peu sympas, les autres moins. Non, ils sont vraiment chelous, les autres. D'accord, ok. Et voilà, donc voilà, on a plein de thématiques. Il y a aussi des étudiants qui vont présenter leurs travaux. Il va y avoir des ateliers un peu pratiques, des ateliers également où Nathan, tu vas pouvoir intervenir pour présenter un jeu de société qu'on a créé autour, justement, des trans, des états ordinaires de conscience. Et donc, ça peut être assez sympa. On verra, on vous en dira plus au fur et à mesure. Alors, certaines interventions seront en anglais et il y aura des intermèdes aussi. Vous verrez des découvertes un peu inattendues. Oh, j'ai encore d'autres infos. Allez, je vous balance tout ça. Aujourd'hui, nous allons en fait parler du grand manuel de parapsychologie scientifique qui est paru chez Duno fin juin. Et donc, nous allons y consacrer cette émission. Je ne vais pas dire davantage ici. Par contre, il y a deux autres livres, si vous avez encore de la place sur votre bibliothèque. Le 17 octobre paraît Face à l'invisible, paranormal du mythe à la réalité. C'est un ouvrage que je coordonne avec Emmanuel Justuit et qui a été accepté chez Kimé, qui est un éditeur académique du côté de la philosophie et de l'anthropologie. Et en fait, c'est un livre qui va réunir deux époques. On va rassembler des contributions qu'ont fait des chercheurs en parapsychologie ou en ufologie, donc l'étude scientifique des secoues volantes, dans les années 2000, dont des gens comme Bertrand Meus, Jacques Vallée, enfin qui sont des grands noms en fait dans ce domaine. Et puis on a sollicité des auteurs plus contemporains, Thomas Raberon, Olivier Rimbaud, Thibaut Grèce, Mario Vavoglis, etc., pour aussi croiser ce regard 25 ans plus tard, une sorte de tour d'horizon, des grandes questions qui peuvent se poser lorsqu'on s'intéresse au paranormal avec, du coup, une pluralité de points de vue, de disciplines qui sont convoquées. Et encore dans les mois qui viennent, je n'ai pas encore la date de sortie, il y a un gigantesque livre en deux volumes qui va réunir des entretiens avec le défunt parapsychologue François Favre, qui a consacré sa vie, en fait, à l'étude de la parapsychologie, et Philippe Garnier, qui est actuellement maître de conférence en sciences de l'éducation, qui était étudiant à l'époque. Et en fait, François Favre a décidé de renoncer à l'exercice de son métier de psychiatre pour consacrer 8 heures par jour à étudier ce champ très redouté, très controversé de la parapsychologie. Et il dégage de tout ça une compréhension assez générale, un modèle théorique, métaphysique, assez complexe, mais qui vient combler une sorte de vide explicatif en matière de parapsychologie. En fait, on dit qu'on a des anomalies, on ne sait pas trop bien ce qu'il y a derrière. Cet ouvrage, je l'ai coédité avec Pascal Catala, qui est un membre du comité directeur de l'Institut Métapsychique International, qui est une fondation dont on va reparler aujourd'hui parce qu'elle est très partie prenante dans le grand manuel. Une fondation de recherche en parapsychologie, la seule qui existe en France là-dessus. Et donc, on a un manuscrit posthume qui donne des clés pour rendre accessible au plus grand nombre vraiment l'avancée des réflexions, des travaux, des concepts qu'on a là-dessus. Cet ouvrage a été rendu possible grâce à une campagne de financement participatif. Alors, j'en profite encore une fois pour remercier toutes les personnes qui ont contribué. Et j'avais réalisé l'année passée un séminaire consacré à présenter justement la pensée de François Favre. Donc, quand ça sort, ça va être un truc un peu gigantesque puisqu'on est parti sur 1150 pages en deux volumes. Ouais, faut vraiment je l'ai feuilleté. Effectivement, c'est un beau bébé. Oui. Donc c'est assez terrible. Et puis je vais céder la parole pour une dernière info du côté de Nathan. Effectivement, merci Renaud. Petite information pour moi, Renaud, tu l'as dit, je suis en thèse, je suis doctorant, et dans le cadre de ma thèse, j'ai besoin de vous, puisque j'ai besoin de participants âgés de 18 à 70 ans pour participer à une étude sur l'impact des microchamps électromagnétiques sur la pensée et l'imagination. C'est l'étude Cérébro. C'est l'étude Cérébro, exactement, qui se passe d'abord en ligne, puis à Nancy, pour une durée d'environ 2 heures, avec moi-même. Donc si jamais ça vous intéresse, si jamais vous voulez nous accompagner, faire avancer la science, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail suivante, nathan.ullery@univ-lorraine.fr. Et l'étude, en plus, petit bonus, est récompensée si vous allez au bout par des bons d'achat. Voilà, merci beaucoup Renaud. On fait un petit récap quand même de toutes tes infos, parce que là, il y a beaucoup de choses, et je suis pas sûr que tout le monde ait eu le temps de tout noter. Alors, si je reprends dans l'ordre, on a Paris, études sur les trans et études de genre, Paris, les 11 et 12 septembre. Nancy Hypnose, le parcours dans la ville qui est déjà disponible sur l'hypnose à Nancy. La journée d'études, hypnose à Nancy pour continuer dans la lignée, le 26 septembre à Nancy. Le colloque sur les expériences exceptionnelles de fin de vie, toujours à Nancy, les 4 et 5 décembre. Et le grand manuel de parapsychologie scientifique, on va en parler plein aujourd'hui. Déjà disponible en librairie. Déjà disponible en librairie. Et les deux autres livres qui ne devraient plus trop tarder. Voilà. Voilà. Merci. Bien. Alors, on a commencé un petit peu à teaser ce grand manuel de parapsychologie scientifique. C'est un ouvrage qui est sorti le 25 juin, un ouvrage collaboratif aux éditions Duno. On a trois directeurs, dont deux ici avec moi dans la salle, à savoir Renaud Évrard et Claude Bermans. En troisième directeur, Paul-Louis Rabéron. En plus de ces trois directeurs d'ouvrage, 13 collaborateurs, 648 pages sur la parapsychologie scientifique. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu ce que c'est ce grand manuel de parapsychologie scientifique ? Alors en fait, c'est une aventure qui a commencé il y a 4 ans à peu près, grosso modo. Bon, moi je me suis toujours intéressé à la parapsychologie depuis une trentaine d'années à peu près. Mais comme le monde évolue aujourd'hui, je dirais qu'il y a plus de possibilités. J'ai contacté Renaud Évrard et on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire un manuel de parapsychologie scientifique ? Un petit peu sur le modèle des manuels anglo-saxons qui existent. Bon, il n'y en a pas des tonnes, mais ils existent. Il y en a au moins 4-5 de pertinents. Et en France, à ma connaissance, il n'y a jamais eu une direction d'ouvrage autour de ça. Il y a eu des manuels dans les années 60 de René Sudre. Il y a eu des gens qui ont écrit des thématiques sur la parapsychologie, mais il n'y a jamais eu vraiment un manuel global qui regroupe 15, 16, 17 participants. Donc voilà, c'était l'idée qui a été lancée à Renaud, qui a jumpé sur l'idée, si je puis dire. Merci beaucoup, sur Claude. 4 ans de travail, merci beaucoup. Et puis, on a demandé, donc, bien sûr, à l'IMI, donc l'Institut Métapsychique International, qui sont les référents dans ce domaine aujourd'hui, une association, et Paul-Louis Rabéron, donc, qui est pédopsychiatre, nous a rejoint dans la direction d'ouvrage. Et on a commencé à créer un petit peu ce qu'on allait pouvoir mettre dans ce manuel. Quel type d'ouvrage ça allait être? Est-ce que ça allait être du grand public? Est-ce que ça allait être quelque chose de scientifique? Etc, etc, etc. Et comme vous pouvez vous l'imaginer, ben on a fait pas mal de conférences, de touch and go, d'entretiens, etc., pour finaliser à un moment donné quelque chose et avoir un contenu qui a du sens et qui s'est mis en place progressivement avec différentes thématiques sur, je dirais, les thèmes les plus importants de la parapsychologie aujourd'hui, mais de la parapsychologie scientifique. Parce qu'aujourd'hui, on trouve sur Amazon ou sur tout ce que vous voulez un certain nombre d'ouvrages avec le terme parapsychologie. Mais des fois, on parle de plein de choses fort intéressantes, mais ce n'est pas nécessairement de la parapsychologie scientifique. Alors, justement, quelle différence tu fais entre de la parapsychologie fort intéressante et de la parapsychologie scientifique ? Alors, aujourd'hui, le terme de parapsychologie, c'est un terme malheureusement un peu fourre-tout, comme le paranormal, comme le New Age, comme la spiritualité, etc. Et vous allez trouver des gens qui vont faire des choses sans doute très intéressantes et qui vont appeler ça la parapsychologie. Mais ça peut être un peu de radiesthésie, ça peut être un peu de guérison énergétique, etc. Là, on est sur un ouvrage scientifique qui est tout à fait similaire à des ouvrages de psychologie, des ouvrages même de médecine, avec, je dirais, des gens qui sont tous universitaires, qui ont tous un doctorat, qui ont tous un lien avec le monde universitaire et qui ont écrit et publié des ouvrages avec comité de lecture, etc. Et c'est ça le côté scientifique vraiment très important qui fait défaut un petit peu, je dirais, à toutes les questions qu'il y a autour de la parapsychologie, puisqu'il y a un vrai débat autour de ça aujourd'hui. Et juste pour terminer, l'idée c'était de montrer que, et tout le monde n'est pas d'accord sur ça bien évidemment, que la parapsychologie scientifique aujourd'hui existe depuis X années dans le monde anglo-saxon, et ça serait très pertinent qu'elle arrive enfin dans le monde francophone. Je ne dis pas qu'elle n'est pas déjà arrivée, mais je pense que ce bouquin va favoriser cette démarche. Alors, je peux dire que parapsychologie scientifique, c'est un oxymore. Hein. Moi, on me le renvoie toujours à la figure en me disant « mais c'est pas possible d'aligner ces deux mots ensemble ». Voilà, souvent on entend ça, effectivement. Ah bah, parce que là, dans ce que tu dis, c'est pas un titre protégé. Il hein. faut bien toujours sûr, rappeler, oui, les gens peuvent mettre une plaque en disant parapsychologue, et nulle part dans le monde, hein, de toute façon. Et il y a des gens qui ont des dons, qui ont vécu des expériences, et qui, à partir de là, pensent à avoir un savoir qui peut être intéressant, et ça peut être le cas. Mais là, quand on dit scientifique, enfin, on n'arrête pas de le plaquer, mais ça veut dire se référer à une communauté qui est critique, autocritique. Mmh. À chaque fois qu'il y a une affirmation qui est faite, il faut aller trouver des références empiriques, des études qui viennent les appuyer, puis il faut les donner, ces références. Il faut que les gens puissent aller vérifier par eux-mêmes qu'on n'a pas distordu la vérité. Et donc, les auteurs, les contributeurs sont des gens qui ne prétendent pas avoir des pouvoirs magiques, qui ne prétendent pas avoir des expériences incroyables et un témoignage à faire de leur vivant, etc. Et c'est plutôt, ben, on va vérifier ce que les autres ont pu prouver, quel est un peu le consensus, et on fait... c'est vrai pour ça que ça prend 4 ans. Hein, oui, tout à fait. Non, c'est quelque chose qui a mis beaucoup de temps à se mettre en place, justement pour faire la part des choses entre la croyance et la science. Et c'est toute la question. En fait, on peut avoir une casquette de croyant en disant « je crois en ça, en ça, en ça, ça », et ça regarde les individus, mais la casquette de scientifique nécessite de la réplicabilité, nécessite le lien avec un certain nombre de scientifiques, nécessite que d'autres laboratoires se positionnent sur les questions. Et toutes ces questions-là, dans certains domaines des perceptions extrasensorielles, ont déjà été faites aux États-Unis depuis, corrige-moi Renaud si je me trompe, mais depuis les années 40, grosso modo, avec des gens comme Ryan, etc., qui ont travaillé sur la psychokinèse, etc. Et il n'y a pas eu que eux, il y a eu énormément, je dirais, de grosses interventions sur ce domaine-là. Mais c'est un domaine en France qui est encore un petit peu catalogué négativement pour X raisons, peut-être propre à la France. Vous allez en Allemagne, vous allez en Angleterre, vous allez en Italie, peut-être que c'est beaucoup plus ouvert. Vous allez au Canada, c'est encore plus ouvert. L'idée, c'est de dire aujourd'hui, en France, il est temps de parler de ça sérieusement. Alors, on parle de parapsychologie scientifique, on pourrait parler d'études, des expériences exceptionnelles, on pourrait parler de psychologie anomalistique, mais dans toutes les cas de cause, il y a des anomalies cognitives qui existent, et le champ de la parapsychologie, c'est peut-être pas le meilleur nom, mais qui est celui en tout cas qui fait résonance chez beaucoup de gens, a été utilisé pour cet ouvrage, et justement a permis, je dirais, à la plupart des chercheurs français qui sont soit dans la médecine, soit dans la psychologie, et qui s'intéressent au paranormal dans ce sens-là, de positionner un chapitre, un point de vue dans cet ouvrage. Ok. Mais alors, petite question pour comprendre un peu comment se construit un tel ouvrage. On rappelle 648 pages, 13 collaborateurs, plus vous trois en directeur. Comment on réunit les Avengers pour écrire le grand manuel de parapsychologie scientifique? Bah là, il y a des gens qu'on connaît depuis très longtemps, en fait. On les pratique depuis un moment. Et on s'est amusé, d'ailleurs, à les associer, alors qu'ils n'avaient pas forcément toujours bossé ensemble. Il y a des rencontres, au final. Oui, qui ont été faites. Et on sait que chacun a un petit domaine de spécialité. Alors, on voit s'ils sont disponibles, s'ils sont motivés par le projet. Et dans ce cas-là, il s'est trouvé qu'on avait un peu des trous dans la raquette. Oui. Notamment sur la précognition, on a quelques chercheurs, mais il y avait une spécialiste, du coup, qu'on a contactée, qui s'appelle Julia Bridge, qui a accepté de reprendre un chapitre de pointe, de synthèse sur les recherches. Vraiment, ça met vraiment en défi notre conception du temps. Et puis, on avait un autre trou dans la raquette qui était sur les approches culturelles et sociales. Mmh. On a, encore une fois, des bons chercheurs francophones qui n'étaient pas disponibles pour l'occasion. Et là, on a un ami américain qui est un professeur d'histoire des religions à l'université Rice au Texas. Donc, c'est Jeffrey Kripal. Et Kripal, il est assez magique dans sa vision des choses. Il a une façon d'écrire assez spectaculaire. Et il nous a fait un lien entre le champ du paranormal et la science-fiction pour un petit peu questionner notre rapport social à tout ça. Oui, et ouvrir le champ de la parapsychologie à d'autres domaines que simplement le côté plus perception extrasensorielle, ce qu'on appelle les effets psy. Psy, pas psychologique, mais psy dans le sens PSI. PSI. Ouais, voilà. Ouais. Oui, donc en fait, c'est un ouvrage qui naît d'une lacune francophone. Il manquait ce livre-là. Clairement. Et en fait, c'est un ouvrage qui est international, au moins dans ses contributions. Tout à fait. Aujourd'hui, il existe un certain nombre d'ouvrages dont j'ai plus les titres en tête. Renaud doit les avoir, mais grosso modo, c'est C'est l'équivalent de grands manuels de parapsychologie, voilà, en anglais, Variety of Anomalous Experience, il y en a de Cardenard, je ne sais plus, t'as le titre peut-être en tête, Renaud. Handbook of Parapsychology, vraiment parapsychologie, etc. Et voilà. Et en France, il n'y avait rien. Il n'y avait vraiment rien autour de ça. Il y a aussi beaucoup de gens dans le monde universitaire qui considèrent la parapsychologie comme quelque chose de peu sérieux. Et en fait, il y a une énorme méconnaissance du sujet, une réelle méconnaissance du sujet. Et l'objectif était de dire, messieurs les gens, vous ne connaissez pas ce sujet, alors achetez ce livre, lisez-le, et ensuite on aura le temps d'en discuter. Mais oui, parce que pour moi, c'est une gênance au quotidien, parce que j'ai des étudiants ou des collègues qui viennent vers moi, ils me demandent, bah, je peux lire quoi ? La première question, c'est, vous lisez bien l'anglais, ça va ? Ouais. Vous pouvez vous taper des sommes en anglais ? Et là, c'est pas toujours évident, et là, ça fait 20 ans que ça dure. Exactement. Je veux dire, je peux renvoyer sur des livres de bonne vulgarisation, mais ce sera pas complet, on n'aura pas forcément la rigueur académique, et puis il y a des livres très spécialisés, j'ai l'expérience de mort imminente ou tel truc, mais on va pas faire le tour d'horizon. Et là, vraiment, on voulait un truc où quelqu'un qui veut fouiller, même s'il va pas avoir un intérêt pour tous les chapitres de la même façon, il a une base de travail pour les 20 prochaines années. Voilà, et c'est une base très pointue. Les articles qui ont été écrits, c'est vraiment des chercheurs qui sont allés jusqu'au fond de la recherche. On ne s'est pas contenté de lire un livre ou deux sur les perceptions extrasensorielles. Non, c'est vraiment un état des lieux extrêmement pointu, avec une bibliographie qui fait au moins une trentaine de pages, si mes souvenirs sont bons. C'est vraiment un état des lieux précis sur l'équivalence de ce qui s'est fait aux États-Unis dans les 30-40 dernières années. Et à ma connaissance, il y a des ouvrages qui existent, à mon avis, un petit peu aussi en allemand, en italien, mais en France, donc dans le monde francophone, c'est le seul et premier ouvrage qui existe, et c'était vraiment une nécessité. Vous avez beaucoup de gens, des médecins, des psychologues, des anthropologues, qui disent, bon, voilà, la parapsychologie, je ne sais pas trop ce que c'est à peu près associé au New Age, etc. En fait, ce n'est pas que ces gens-là sont contre ou pas contre, c'est qu'ils ne savent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas l'ouvrage nécessaire. Ouais. Maintenant, l'ouvrage-là existe. On peut le critiquer, on peut être d'accord, pas d'accord, mais c'est un ouvrage scientifique. Et on peut le critiquer de la même façon qu'on critique un article qui a été revu par des pairs, publié dans des revues comme l'Information psychiatrique, l'Évolution psychiatrique, etc. C'est ce même niveau de pertinence et de scientificité qu'on a essayé de faire. Je pense qu'on a bien fait le travail. Mais alors, justement, une critique qu'on peut faire aux articles scientifiques, c'est un peu, bon, c'est pas forcément accessible. Renaud, tu parlais d'étudiants dont tes collègues, je pense, lisent des articles scientifiques, mais d'étudiants ou même de personnes lambda qui veulent se pencher sur la parapsie, à qui on pourrait se conseiller ce livre. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça manque de vulgarisation? Est-ce que c'est accessible pour qui veut juste s'y intéresser alors qu'il ne sait rien? C'est accessible parce qu'on a quand même essayé de l'écrire d'une manière accessible. Maintenant, quand on parle, par exemple, il y a un ouvrage sur la physique quantique. Quand on parle de parapsychologie, on parle toujours très souvent de liens avec d'autres sciences comme la physique quantique. Oui, là, ça va être compliqué, mais ça sera toujours comme ça. Quand on parle de spiritualité et de parapsychologie, c'est plus abordable. Et on a justement essayé de créer ce livre avec des encadrés, avec des anecdotes, avec des histoires, avec des études de cas. Je veux dire, quelqu'un qui fait des études supérieures ou même qui est intéressé par ce type de choses peut très bien rentrer dans cet ouvrage-là. Alors oui, sur 16-17 chapitres, il y en aura peut-être un ou deux un peu plus costauds qui nécessitent peut-être d'être relus une fois ou deux. Mais c'est tout à fait abordable. Il y a une idée, il n'y a pas de prérequis en fait. Vous pouvez venir de n'importe quelle discipline avec. À chaque fois qu'il y a un concept, à chaque fois qu'il y a un outil statistique, il va être expliqué, il va y avoir un truc. Et quand on sent nous-mêmes que c'était un peu rude, on a rajouté des illustrations, on a essayé de faire des métaphores. Okay. Ouais, donc oui, l'idée c'est que ça parle à tout le monde. Du chercheur déjà un petit peu confirmé, au moins dans l'approche scientifique. À la personne lambda qui... C'est un pari. Ouais. On voulait pas du tout être une élite savante. C'est bien, impressionnant. Mais il y a une complexité du domaine. Enfin, c'est sûr qu'on, c'est beaucoup plus facile un livre qui dit, ben, la vie après la mort éprouvée, parce que je l'ai vécu, etc. Comment ça arrive ce genre de bouquin? Non, ouais, j'ai envoyé 10 000 personnes dans l'au-delà. mais là, il y a des défis scientifiques, des controverses. Il faut pouvoir en rendre compte en disant, ben, vous savez, on a 150 ans de recherche derrière nous, il y a de la technicité qui s'est gagnée, il y a des enjeux qu'on appelle épistémologiques sur la façon même de faire des preuves, de faire de la science. Et donc tout ça, on est quand même obligé de le mobiliser parce que ça fait partie du débat. Mais alors, oui, Claude, vas-y. Oui, justement, sur toute cette littérature sur le paranormal, il y a 3-4 grandes catégories. Il y a vraiment ce que moi j'appelle la parapsychologie scientifiques, donc les expériences anomales étudiées d'une manière sérieuse, scientifique, comme peut faire un psychologue quand il fait une étude des cas, quand il fait une approche expérimentale sur un point clinique, etc. Donc ça, c'est le cœur de cet ouvrage. Il y a des gens qu'on qualifie souvent un petit peu de perchés, ça veut tout dire et rien dire, et qui disent « nous, on a vécu des choses, on transmet ce qu'on a vécu, mais on ne cherche rien à prouver, faites votre propre représentation ». C'est tout à fait pertinent. Et vous avez après des gens qui vont dire « moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis allé à droite, je suis allé à gauche ». Et là, il faut rester un petit peu prudent. C'est à peu près les trois grosses catégories que je pourrais voir. Et ces trois catégories, des fois, on ne sait pas trop, quand on achète un bouquin, dans quelle catégorie il est. Ici, on est vraiment dans un ouvrage scientifique. Même si tout le monde n'est pas d'accord, les gens ont droit de ne pas être d'accord. Mais avant de dire, et je connais déjà des gens qui vont dire « bon, cet ouvrage-là, par psychologie scientifique, ça ne veut rien dire », lisez-le, et ensuite on peut en discuter. Avant de dire « bah non, c'est quelque chose qui n'existe pas ». Et ça, c'est la première démarche scientifique, c'est de dire « on prend l'information, on la lit, on peut la critiquer, et ensuite on commence à ouvrir le débat ». Et c'est comme ça qu'on souhaiterait le présenter et entrer dans cette dynamique. Ok. Le livre en lui-même est découpé en 16-17 chapitres sur des thématiques variées. Mm-hmm. Est-ce que c'est un livre à lire d'une traite sur la plage cet été? Bon, c'est un peu tard. Au risque de s'enfoncer dans le sable, étant donné l'épaisseur du livre, ou c'est un livre qu'on pourrait dire à picorer, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher un chapitre sur ça, un chapitre sur ça. Est-ce qu'il y a une manière de le lire un peu type ou... Alors, on a quand même agencé les chapitres pour qu'il y ait une cohérence, qu'il y ait une progression. On commence par poser l'histoire de ce domaine, on introduit les grands concepts, les grandes avancées. La parapsychologie a évolué en 150 ans, elle est passée d'une étude d'enquête de terrain à des études en laboratoire expérimental, et puis du coup on fait un compte-rendu de l'état de l'empirie, et on va aller chercher, donc Claude a beaucoup parlé de cognition anomale, de perception extrasensorielle, donc le phénomène le plus classique, on entend parler de télépathie, de prémonition, de clairvoyance, on sait quoi de ça? Ben voilà, on a un bilan de ces recherches, on en a un autre sur la psychocinèse, alors moi je dis version française et pas psychokinèse, version anglaise, puisqu'on dit pas kinéma. Hein. tu dis pas comme ça, toi? Bah, en allemand, on dit kino, mais... Ah, ja, gerne. Et du coup, et voilà, aussi un bilan sur la psychocinèse. Il y a une forme de psychocinèse, et d'ailleurs, c'est toi, Claude, qui la traite, qui est la guérison, la biopsychocinèse, ouais. Comment on va peut-être influencer les êtres vivants. L'influence à distance, l'influence de l'intention à distance, ce que fait aujourd'hui énormément de guérisseurs. Il y a plein de gens qui se disent guérisseurs. Il y a tout un panel autour de ça. Et quand vous regardez le feedback des patients, des fois, il y a des choses assez exceptionnelles, ce qui se passe. Donc, on étudie ou on n'étudie pas. Si on n'étudie pas, on croit. On a le droit de croire ou pas. Mais l'intérêt, c'est d'étudier et de voir ce qui se passe. Et un élément qui est très important et qui rentre dans le domaine scientifique, sur lequel il faut, je pense, maintenant vraiment se développer, c'est comment on peut mesurer ce genre de choses. Et pour ça, on doit faire appel à de la multidisciplinarité scientifique, des physiciens, des médecins, des psychologues, des anthropologues. Et je pense que c'est justement cette approche multidisciplinaire de ce domaine qui va faire émerger les choses. Et on inclut aussi, après ça, un chapitre sur les phénomènes de poltergeist et d'apparition. Ce sont des phénomènes beaucoup plus spontanés, on a beaucoup de mal à les amener en laboratoire, mais on a tellement de cas bien documentés qu'on peut les croiser et on essaie d'en dégager des statistiques, un début de connaissance, des hypothèses. Et donc voilà, on fait ce tour d'horizon de l'empirie, et ensuite on en vient à tout ce qu'il y a autour, mais comment on peut comprendre ça, comment c'est critiqué, comment c'est reçu par la communauté scientifique, les aspects de la spiritualité, de la culture, de la société, les aspects cliniques, comment on prend en charge. Bref, on peut travailler avec différents angles d'attaque, et c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors, on peut picorer. Si on souhaite picorer et s'intéresser que à l'aspect clinique, que à l'aspect historique, philosophique, théorique, on va aller chercher, et de toute façon, ce sera pas mal. Pour 2025, on est assez à jour. Dans 10 ans, on verra, mais là, on est bien. C'est un bon début, en tout cas. Et pour des gens qui voudraient un point de vue complet, comme nous, quand on fait une formation, on veut vraiment que les gens aient entendu, même si ça demande d'aller chercher des disciplines dont on n'a pas forcément l'habitude, cet objet-là, le psy-PSI, le paranormal, il est clairement un objet transdisciplinaire. Tout à fait. Ouais. Ok. Alors, tu disais, Claude, justement, qu'il fallait étudier ces phénomènes, etc. À quel point, justement, c'est des phénomènes qui sont étudiés dans le monde, qu'on retrouve dans le monde, tous ces phénomènes autour de la parapsychologie? Alors, moi, je me base un peu sur mon expérience des 35 dernières années où, effectivement, on est face à ce qu'on appelle aujourd'hui des anomalies, des choses étranges. Si vous allez voir votre grand-père, qui est peut-être encore vivant, etc., il aura plein d'histoires à vous raconter. Et ça, ça existe dans toutes les cultures. Vous allez aux Indes, vous allez en Afrique, vous allez en Amérique du Sud, vous serez baigné dans ça tout le temps. Vous allez dans les Vosges, ça marche aussi. Peut-être dans les Vosges aussi. Par contre, dans les milieux scientifiques, je dirais très, très matérialistes, et ce n'est pas du tout une critique, hein, on a tendance à se protéger et à dire... Moi, je ne crois ou je ne vois que ce que je peux mesurer, etc. Et ce n'est pas négatif en soi. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut se fermer à toutes ces choses. Je ne veux pas dire le paranormal, mais le mystère, on va dire, a toujours existé dans notre société. C'est mon point de vue. On l'appelle l'anomalistique aujourd'hui. Et maintenant, on a des moyens, on a une ouverture d'esprit, on a de la transdisciplinarité, notamment avec l'anthropologie, etc., etc., pour étudier ce genre de choses, et j'ai tendance à dire, il est temps de s'y mettre. Et le monde académique, aussi, quelque part, ça serait judicieux qu'il commence vraiment à se positionner sur ça. Alors, il y a des débuts, il y a des embryons, mais bon, c'est pas facile, parce qu'on est toujours pris, selon moi, je me trompe peut-être, sur des petites guerres de clochers, en disant, oui, mais non, la parapsychologie, comme c'est pas scientifique, ça n'existe pas. Mais en fait, tant qu'on ne l'étudie pas, on ne le sait pas. Et on revient à des choses, à faire des métaphores un peu grossières, vous remontez une centaine d'années en arrière, s'il y a 100 ans, les scientifiques savaient tout ce qu'on fait aujourd'hui, on serait en plein dans le paranormal, en plein dans la science-fiction. Et c'est exactement là où on est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on doit avoir une ouverture d'esprit autour de ça, un sens critique, mais une ouverture et une bonne dose d'audace, justement, pour montrer qu'il y a plein de choses assez extraordinaires qui méritent d'être étudiées. Et dans ces études, on verra qu'il y a des choses qui ne tiennent pas la route, comme dans beaucoup de domaines, mais on verra qu'il y a des choses qui sont assez exceptionnelles, qui nous interpellent, et on n'a pas toujours la réponse non plus. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à l'étudier. Et c'est vers là que le bouquin tend justement à titiller des jeunes générations de chercheurs, parce qu'il y a énormément de choses qui vont dans ce sens-là, et surtout les patients aujourd'hui qu'on a en psychologie, eux, ils vont dans ces domaines-là. Et des fois, ils vont chez des personnages, chez des acteurs qui ne font pas toujours du bon travail. Ils sont mal orientés. Alors si nous, psychologues, on ne s'intéresse pas à ça, qui va le faire? Et aujourd'hui, on a beau dire, Monsieur X, qui est peut-être très, très, très matérialiste, va dire, bon, tout ça, c'est du pipeau, etc. OK, c'est son avis, il n'y a pas de problème. Mais les patients vont quand même aller voir les médiums, les guérisseurs, les radiesthésistes, les chasseurs de fantômes, etc., etc., etc. Et ces gens sont totalement perdus. J'ai encore eu un cas dernièrement de gens qui sont totalement perdus par rapport à ça. Donc, vers qui on se tourne? Aux États-Unis, peut-être dans d'autres pays, on se tourne vers ce qu'on appelle ces psychologues attirés par l'anomalistique ou ces parapsychologues. Donc, créons, je dirais, une dynamique de personnes qui s'intéressent autour de ça, aussi pour aider les gens et pour aider les patients dans un souci purement d'aide psychologique. Et ça, c'est une demande très importante. Oui, parce que la demande, oui, elle est là. Elle est là, indubitablement. Et est-ce que, je te pose la question, mais Renaud, ça va pour toi aussi, est-ce que le grand manuel peut avoir pour ambition de faire changer d'avis ou au moins un minimum se questionner le plus cartésien de tous? Il peut avoir pour ambition de caler des portes, ça c'est faisable, vu la taille du truc. Caler des portes. Ou la masse du truc. Ah oui. Oui, c'est un beau bébé. Hein. Quand on diffuse de l'information, on sait qu'elle est noyée. Hein. Il y a vraiment, là c'est la rentrée littéraire, combien de personnes vont vraiment réagir, se mettre à lire, combien des gens qui sont neutres ou sceptiques vis-à-vis de la parapsychologie vont quand même se dire « Allez, je me tape 650 pages et je suis prêt à changer d'avis, à y être convaincu. » Donc voilà, ça va être quand même un sacré défi. On se dit, nous, on l'a vraiment écrit en disant « Allez, il doit durer 20 ans, il doit pouvoir servir de référence pour une future génération. » On sème des graines et on récoltera pas, surtout Claude est plus vieux que moi, mais... Waouh. Un petit peu plus. Ça fait 35 ans, t'as dit que t'es dessus. J'ai commencé très tôt, c'est pour ça. Ah. D'ailleurs, oui, ce sera intéressant. Explique ta trajectoire de patapsychologue. Comment t'en arrives à... Quand, en fait, j'ai commencé à étudier un petit peu ces domaines-là quand j'ai commencé à 11-12 ans. Ah, à 11-12 ans, j'ai la chance d'avoir eu des parents et un frère qui avait une grande bibliothèque avec des manuels de parapsychologie, même de parapsychologie états-unien avec les livres de Rhine, etc., ouais. etc. Et voilà, j'ai baigné là-dedans, ça m'a intéressé, et puis j'ai continué, et puis c'était la parapsychologie, la spiritualité, les phénomènes paranormaux, le New Age, tout ce qu'on peut trouver autour de tout ça. Et ce qui fait que, bah, au bout d'un certain années, on amalgame un certain nombre d'informations. Après, on va dans une direction, et la psychologie, c'était les choses qui étaient un peu le plus ouvert à ça. Mais même quand j'ai commencé ça dans les années 80, 88, 89, c'était très fermé à ça. Et quand j'ai fait une thèse en 2015, ça a commencé à s'ouvrir sur des thématiques thérapeutiques comme la méditation, par exemple. Alors qu'il y a 30 ans, on n'en parlait pas du tout. Il y a 15 ans, ça s'est ouvert. Aujourd'hui, c'est marketingisé comme c'est pas permis. Et on utilise certaines approches méditatives dans le cadre de certaines dynamiques thérapeutiques. Et on voit des résultats intéressants. Maintenant, vous avez des gens qui vivent des expériences exceptionnelles, qu'ils le veuillent ou non. On y croit, on n'y croit pas, mais il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de gens. Et ces gens-là sont perdus. Vers et qui pourquoi, ils vont pourquoi aller? Du coup, tu n'as pas fait gourou? C'est plus simple, non enfin... Alors, j'ai pas fait gourou parce que j'ai une certaine éthique. Ah. Parce que je pense que la compassion et l'altruisme doivent être les moteurs du psychologue. C'est peut-être pas le cas, mais j'ose l'espérer. Et si on est gourou, ben on va pas dans ces domaines-là. L'idée, c'est d'ouvrir l'esprit, de donner des grilles de lecture. Et plus on a de grilles de lecture de la réalité, plus on a de richesse, plus on est armé face à l'adversité. Et c'est exactement la même chose dans une psychothérapie telle que moi je le vois. Un patient, quand il est pris dans des états, par exemple, anxio-dépressifs, bah, il voit le monde autour d'un tout petit trou. Et quand vous arrivez à l'ouvrir, eh bah, il y a des richesses, il y a d'autres choses qui se mettent en place et il y a un effet thérapeutique qui se met en place. Bah, vous voyez, des gens qui vivent des expériences exceptionnelles, et il y en a des tonnes, ces gens-là, ils sont perdus. Vers qui ils vont aujourd'hui? Vers des psychiatres? Non, ils ne sauront pas. Ils auront peur d'être enfermés, même si c'est totalement faux. Vers le médecin? Vers qui? Vers des psychologues. La plupart des psychologues ne connaissent pas ça, à part certaines personnes particulières. Mais il y a énormément de gens, bah, ils gardent ça pour eux. Des fois, ils arrivent à vivre avec, mais la plupart du temps, ça les trouble. Je pense simplement des gens qui font des expériences de mort imminente, ou des expériences d'OBE, etc. etc. À qui? Sortir du corps. Ou des gens qui ont des flashs de voyance, des choses comme ça. On ne peut plus dire aujourd'hui, tout ça, c'est du pipeau, c'est de la science-fiction. Non, il faut être réaliste à un moment donné. Et si on le dit aujourd'hui, alors allez faire un petit stage de 6 mois aux Indes ou au centre de l'Afrique et vous allez revenir totalement différent. Vous voyez l'ethnopsychiatrie, Toby Nathan, tous ces gens-là. Voilà, ça existe. Maintenant, il faut pas y croire purement et simplement. Il faut l'intégrer, l'étudier et aussi aider les gens qui sont face à ça pour donner du sens. Après, tout le monde n'est pas en difficulté avec ces expériences. Bien sûr, exactement. Il y a des gens qui le vivent très bien, il y a beaucoup de gens qui le vivent très mal. Moi, j'ai des cas de jeunes personnes qui perçoivent des choses, peut-être parce qu'ils ont une hypersensibilité, ils sont perdus. Vous allez voir qui? Peut-être qu'il y a une centaine d'années, vous alliez voir le prêtre du diocèse. Et on était dans un dogme spécifique, etc. Aujourd'hui, on est un peu quand même au-delà de tout ça. Et donc, la parapsychologie scientifique, je pense qu'elle a vraiment une position à prendre. Mais il faut se donner la force, et je pense que c'est un combat de la positionner, et il faut y aller non pas avec prudence, il faut y aller aujourd'hui avec audace. Ouais. Ça, c'est très important. Et avec ouverture d'esprit. Ouais, parce qu'on ne peut pas se fermer d'un truc qui est là, qui vit, qui existe, et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas et regarder ailleurs, quoi. Le mystère et le paranormal a toujours fait partie du monde. Il n'y a que depuis 300-400 ans, depuis que la science, à juste titre, est arrivée et a créé la planète telle qu'on l'a aujourd'hui. Mais ça fait que 300-400 ans. Et c'est une toute petite partie. J'avais un ami qui s'intéressait aux tribus plus primitives, etc. Il était intéressé un peu par ce qu'on appelait les esprits de la nature, les devas, enfin, de ce genre de choses. Et il est allé voir des tribus, et vraiment des tribus au Vanuatu, à Wallis et Futuna, etc. Un peu de ce qu'on appelle un peu les pygmées aujourd'hui. Et il discutait avec ces gens-là, etc. Et ces gens-là disaient, mais vous ne pouvez pas voir ce que nous on voit. C'est juste pas possible. Vous êtes à un niveau de croyance, de perception, vous ne pouvez pas. Restez maintenant un an chez nous, et peut-être qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir. Ouais, ouais. Je ne dis pas qu'il faut faire ça, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, je dis qu'il faut expérimenter des nouveaux champs d'expérience. Mmh. Mais pour ça, il faut donner à des scientifiques qui ne connaissent pas le domaine une somme d'informations sur lesquelles ils peuvent se référer. Et c'est vraiment l'objet de cet ouvrage. Merci. Renaud, tu as un parcours aussi, une grande bibliothèque, un grand frère. comment ça s'est passé pour toi? Comment est-ce qu'on arrive à être maître de conf en psychologie et à parler à ses étudiants de parapsychologie? Je sais pas si je fais la version courte ou longue, mais moi, déjà, faire psycho, c'était une anomalie pour ma famille. Et à tel point que ma tata, pour me faire plaisir, m'a abonné à Psychologie Magazine. Oui, pas abandonné. Ouais, abandonné, mais c'était une façon de voir. Sur une aire de repos, enfin, une sombre histoire. C'est ça. Et puis, et du coup, je suis tombé, mais c'est vraiment concours de circonstances dont j'ai retracé la trajectoire, mais sur le compte-rendu d'un bouquin de parapsychologie scientifique, un des rares qui a été traduit, un bon bouquin de vulgarisation qui a été traduit, La conscience invisible de Dean Radin, et ce livre-là m'a intéressé. Mais intéressé en me disant, ouais, c'est chouette, je connaissais pas du tout, mais par contre, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai envie de faire de ma vie, j'étais déjà étudiant en psychologie. Et puis par la suite, j'ai quand même fouillé un peu sur le net de l'époque, mais c'est vraiment le Minitel. Non, voilà, pas. C'est ça. Et je suis tombé sur le livre de Joe Arcy Ahmed, qui est psychologue, psychanalyste, qui a fait sa thèse avec Didier Anzieux, qui est un grand professeur de psychologie, sur parapsychologie et psychanalyse. Et là, je commande ce livre qui n'était plus du tout disponible, ce que je ne fais jamais parce que j'ai le budget étudiant à l'époque, faut se rappeler. Je trouve un bouquin qui parle de gens qui sont en difficulté avec ces expériences, et là, d'une praticienne qui essaye d'accueillir, d'écouter, d'analyser aussi en se baignant, en se référant à la psychanalyse comme une voie d'approche, mais aussi elle connaissait la psychologie transpersonnelle, l'hypnose, elle avait des autres outils à disposition, et là je me suis dit, ah ouais, c'est chouette, c'est quand même intéressant. Mais c'était un début, et après c'est des rencontres qui viennent d'étudiants en psychologie, d'étudiantes en l'occurrence, qui pensaient que leur appartement était hanté. Alors là, je commençais à être un peu perturbé parce que c'est mes alter ego, moi je suis très formé scientifique, biologie, etc. Et là j'ai des gens du même niveau que moi mais qui croient au paranormal, et j'étais un peu perdu, est-ce qu'elles sont psychotiques, mais en fait elles font des études de psycho, et ouais, ça m'a torturé ce truc. Et par la suite j'ai rencontré des chercheurs, et j'ai surtout essayé de rencontrer d'autres étudiants qui pouvaient partager un début de curiosité et d'intérêt. Et petit à petit, comme ça, ben, j'ai consacré mes premiers travaux de recherche aux personnes qui se disent hantées, et j'ai continué là-dessus parce qu'il y a tellement à faire. C'est un boulevard, et je me sens toujours curieux. Peut-on donner un exemple? Hier, j'ai consacré ma journée à découvrir les gens qui avaient des changements de personnalité après avoir eu un organe transplanté. Donc voilà, elles ont un nouveau cœur, et à la suite de ça, elles ont l'impression qu'elles n'ont plus les mêmes orientations sexuelles, les mêmes goûts en termes d'art, de divertissement, des choses qui changent, et même des souvenirs qui leur apparaissent qui ne sont pas tout à fait à eux. Et donc voilà, ce genre de trucs complètement incompréhensibles, je trouve ça excitant, je trouve ça finalement intéressant sur le plan d'être un scientifique. Pour moi, c'est ça. C'est aller vers les choses qu'on comprend pas et essayer de gratter. Et puis, pour un clinicien, je me dis, mais ces gens-là qui ont ces nouvelles personnalités qui émergent, ils doivent être un peu confuses. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les écouter, pour les accompagner? Voilà, c'est typiquement ce genre de questions que je maintiens 20 ans plus tard. Ok. Pour revenir sur le grand manuel, en le parcourant, j'ai vu qu'il y avait des vignettes avec des cas pratiques, des cas... Je sais pas si on peut parler de cas cliniques réellement, mais comment est-ce que on fait quand on est scientifique et qu'on veut s'intéresser à la parapsie pour intégrer comme ça des cas qui nous sont rapportés, des gens qui viennent nous voir, voilà, il m'est arrivé ça, et ensuite les intégrer dans un ouvrage qui se prétend avoir la rigueur de celui-ci. Bah, par exemple, quand vous faites un cas clinique en psychologie clinique, tout simplement, quelqu'un qui a des états, des tocs ou des états anxio-dépressifs, vous pouvez faire un cas clinique très particulier. c'est des choses qui se font, clairement, et qui se sont déjà faites dans le domaine de la parapsychologie, puisqu'il y a énormément de cas qui ont déjà été étudiés. Donc, on en a repris certains. On en a repris certains qui ont déjà été édités par un certain nombre de personnes. Vous avez des grands noms de la psychologie, comme William James, qui ont travaillé sur ce genre de choses. Et même Freud qui a travaillé sur ça, pour ne pas le citer, mais il y a plein de gens qui ont travaillé sur ça. Donc, vous pouvez reprendre une étude de cas. Là, par exemple, en ce moment, je suis là sur 3 études de cas de gens qui prennent des psychotropes et qui voient des choses extraordinaires aussi. Mmh. Et ça regroupe les psychotropes ou des psychédéliques ? Des psychédéliques, pardon. Qui voient des choses assez extraordinaires. Donc, il y a toute une étude à faire autour de ça. Et ça donne des études de cas. Ce qui n'est pas conseillé et pas légal en France. Ce qui n'est pas conseillé et légal en France. On ne va pas squeezer l'émission dès la première. Hein. Non. C'était, en fait, pour être très clair, c'était des collègues qui travaillaient aux Pays-Bas. Donc, comme ça, les choses sont claires. Il n'y a pas de souci. Il y a aussi des lois là-bas. Il y a aussi des lois là-bas. Oui, mais elles nous concernent beaucoup moins. Mais ils pouvaient faire ce genre de choses. Et pour parler des psychédéliques de minutes, vous savez très bien qu'en France, aujourd'hui, dans certains laboratoires, on commence à avoir des autorisations. À Mannheim, à Berlin, il y a des autorisations. On commence à se rendre compte que les psychédéliques ont des possibilités de guérison. Et en tout cas, il y a des recherches autour de ça dans des états pour des gens. Et notamment en lien avec des expériences mystiques. Voilà, et justement, il y a une plus-value du mysticisme. Voilà, c'est ce qui se passe après. Après, il y a des états d'émergence spirituelle qui se mettent en place. Voilà, c'est un autre domaine. Tout ce que je veux dire, c'est que voilà, on peut faire des études de cas. On en a fait certains et on a repris des études de cas existants. Pour permettre aussi aux gens de dire, ben voilà, monsieur X a vécu ça, monsieur Y a vécu ça, etc. Mais il n'y a pas des pincettes particulières à prendre, justement, quand on a des récits rapportés comme ça? Il faut vérifier l'information sur des études de cas qui ont été publiées par des pairs, etc. etc. Après. En fait, il y a plusieurs niveaux. Quand on recherche les preuves, les cas, les anecdotes sont un premier niveau. On a tout à fait le droit d'accumuler plein d'anecdotes. Et au bout d'un moment, on se dit, putain, il y a peut-être un truc derrière ça. Et c'est ce qu'ont fait les chercheurs. Ils se sont nourris, en fait, des convergences, de la structure qui semblait émerger de ce qu'on appelle la casuistique, hein, le regroupement de tous ces cas. Pour dire, bah, par exemple, les enfants avec leurs parents, ils ont des liens affectifs qui semblent nourrir des expériences de télépathie. Par exemple, vous n'allez pas avoir la vision au seuil de la mort de quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Ça n'arrive jamais, c'est toujours des proches. Et donc, vous allez avoir des choses aussi comme ça qui vont permettre aux chercheurs de dire, bah, je vais orienter mon expérience de manière à tester telle ou telle hypothèse qui surgit dans la nature spontanément. Et puis, ce type de cas, ce type d'ouvrage vont aussi attirer des gens qui ont des capacités particulières. Qui généralement ne vont pas toquer à la porte du psychologue en disant « j'ai quelques histoires à vous raconter ». Mais quand les gens-là vont lire ce livre ou quand ils viennent à des festivals d'anomalies, bah, ils viennent voir en disant bah, « j'ai des choses à vous raconter, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça ». Je ne dis pas qu'il faut croire ça à 100%, mais on doit étudier ce genre de choses avec les méthodologies qu'on a aujourd'hui, peut-être obtenir des ressources pour avoir des éléments méthodologiques plus puissants. Et puis j'ai envie de dire, il y a un autre aspect. Enfin, ce serait quand même dommage que les psychologues, les universitaires, etc. n'aient pas accès à ces informations, alors que suffit de taper sur ChatGPT ou n'importe quel moteur de recherche pour tomber sur des centaines de milliers d'articles. Exactement. Et donc à un moment, quelqu'un qui fait juste le petit travail minimum parce qu'il est motivé, parce qu'il a vécu un truc où ça l'intéresse, il va avoir accès à des infos que le psy ne va pas avoir. Et là, il y a un défi, et même déontologiquement pour un psychologue, on a cette obligation de se tenir au courant de l'état des avancées scientifiques des recherches. Là, il y a tellement de recherches en parapsychologie, il n'y a pas forcément des preuves absolues où tout le monde est convaincu, il n'y a pas une théorisation dans laquelle tout le monde dirait bah, « c'est bon, c'est plié, on peut passer à la suite ». Mais malgré tout, il y a des choses qui sont posées, on peut nommer tel phénomène, on a des idées sur les profils des gens qui vont avoir tel ou tel truc, les conséquences, et à partir de là, on peut un peu normaliser, banaliser, et faire que la parole circule, casser un petit peu le tabou sociétal qui associe le paranormal à des formes sombres de magie, de démonologie, ou de mysticisme, alors qu'en fait, ça arrive, on l'a pas dit, mais c'est 30 à 50% de la population occidentale qui dit vivre au moins une expérience paranormale au cours de sa vie, et puis 50 à 70% qui croient au moins à l'arrêté d'un certain phénomène. C'est énorme. C'est pour ça que comme c'est énorme, ça existe. Pourquoi ne pas l'étudier? Oui, c'est ça, on ne peut pas passer à côté. Il faut absolument l'étudier aujourd'hui. Et il y a quelque part une espèce de chape de plomb qui dit que bah non, n'allez pas sur ce sujet-là. Et là, moi, j'ai tendance à dire, bah non, je ne suis pas d'accord. Allons dans ce domaine-là, regroupons les gens qui ont envie d'aller sur ça et témoignons d'un ouvrage qui, j'espère, justement est bien référencé et qui est bien référencé. En fait, s'il n'y aurait pas de parapsychologie scientifique, ce serait un échec de la science. Oui. Mmh. Voilà, parce que la science, elle a la vocation à éclairer le monde, le réel, et elle développe des méthodologies. Alors parfois, les méthodologies existantes, il faut les raffiner, il faut inventer des choses. C'est la question de la mesure, justement. Et quand on mesure, vous avez des gens qui font de la guérison énergétique, etc. Et aujourd'hui, on commence à avoir des mesures fines de champs électromagnétiques, de champs biophotoniques, etc. Mais nous, on est psychologue, on n'est pas biologiste, on n'est pas physicien. Il faut qu'on s'allie avec des gens qui ont envie d'aller dans ce sens-là. Et cet ouvrage-là va peut-être donner quelques envies. Il ouais, y a déjà, des physiciens, il y a des biologistes, il y a des neuroscientifiques. On a vraiment un couvert... La transdisciplinarité, je n'ai jamais réussi à le dire. En même temps, c'est un mot compliqué, t'as raison. Il y a un chapitre sur les corrélats neurologiques en parapsychologie, qui est fait par... David Acunzo. C'est des gens qui ont travaillé sur ça. Oui. Et les laboratoires aux États-Unis, que ce soit le laboratoire de Virginie c'est un neuroscientifique extrêmement brillant. Et il a été embauché en Virginie, aux États-Unis, sous l'ère Trump. Parce qu'il n'y a pas d'équivalent ici. Il n'y a pas de laboratoire où on peut mener ses recherches avec des financements. Et c'est ce qui est vraiment dommage ici, qu'il n'y ait pas un minimum de budget pour des gens qui sont intéressés à ça, parce qu'il y a tout à découvrir. Découvrant ce genre de choses, moi j'ai fait un article en lien entre parapsychologie et spiritualité. Aujourd'hui, je trouve que, on ne va pas discourir sur la spiritualité, mais on est dans une société extrêmement matérielle, extrêmement consumériste, où il y a des manques. Aujourd'hui, la spiritualité, d'une certaine manière, peut être quelque chose qui peut nous aider. La parapsychologie peut être un élément, une tendance, justement, à nous stimuler pour nous montrer que le monde n'est pas uniquement tel qu'on le voit ou tel qu'on aimerait nous le faire voir. C'est de dire, essayez d'avoir plein de grilles de lecture de la réalité, vous aurez une richesse beaucoup plus grande. Et cet ouvrage-là va pour moi dans ce sens-là. Merci Claude, je pense qu'on peut s'arrêter là pour le grand manuel, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Une dernière petite question à vous deux, avant de clôturer cette première émission. Qui est-ce que vous aimeriez voir prendre votre suite dans l'émission ? Bon, Renaud, toi, tu reviendras en tant que co-animateur. Claude, est-ce que tu as une suggestion ? Des gens que tu aimerais bien faire découvrir, faire entendre. Voilà, j'ai pas trop d'idées comme ça. Tu me parlais de la personne de tout à l'heure, là, tu sais. Evelyne. Voilà, Evelyne Joss, qui pourrait, je pense, être très intéressée aussi. C'est une psychologue qui est maître de conf associée à Metz. Qui travaille sur la traumatologie, je crois. Voilà, elle a une grande spécialité, mais elle s'intéresse aussi aux expériences un petit peu qui sortent de l'ordinaire et comment on peut en faire un usage thérapeutique. Voilà, ça pourrait être quelqu'un qui pourrait peut-être être intéressé. Ouais, d'accord, ok. Donc, on le rappelle, hein, le grand manuel de parapsychologie, déjà sorti chez Duno, que vous trouvez dans n'importe quelle bonne librairie. Et s'il n'est pas dispo, faites-le commander parce que ça vaut le coup. Alors, c'est 52 euros, hein, ça fait cher du prix de la page, n'est-ce pas ? Ça fait 8 centimes par page, j'ai fait le calcul. Ouais, mais c'est pas tant au final. Après, je pense qu'on a parfois acheté des livres tellement mauvais et on s'est fait tellement avoir là au moins. C'est 52 bons euros bien investis. Voilà, c'est le cadeau de Noël idéal. Non. Si on a des amis à perdre, oui, c'est un très bon cadeau de Noël. Un dernier tout petit mot en 10 secondes pour vous deux, quelque chose ? Très heureux de lancer cette émission. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des retours également, à nous proposer aussi des gens que vous voudriez écouter. On a un stock de jeunes chercheurs qui sont déjà très très partants pour venir un peu présenter ce qu'ils bidouent de leur côté. Et on a cette chance finalement à Nancy d'avoir une sorte de pôle d'intérêt, d'excellence. Et donc on va essayer de poursuivre ça. Oui, tout à fait. Et puis je pense qu'il y a aussi beaucoup de psychologues qui ne savent pas que ce type de choses existe et qui sont intéressés par ça, qui sont en libéral et des fois qui ne savent pas comment orienter leurs patients. Ça pourrait les aider. Viendez vers nous. Voilà. Venez. Eh bien, merci à vous deux, merci également à Radio Fadjet qui nous prête ses studios pour l'enregistrement de cette émission et merci à l'association Anomalie qui produit ce podcast dont c'était le premier épisode. Merci à vous deux. Merci beaucoup. afraid of no ghosts. I ain't afraid of